Chapitre 10e. J'examinai pendant plusieurs heures le château de Kronborg. J'ai commencé par les souterrains extérieurs. Je n'en ai rapporté qu'une légende, la plus populaire, il est vrai, de tout le Danemark. Cette légende est celle d'Holger Danske, logier de nos vieux romans. Je vais raconter ce géant que j'ai eu le malheur de chercher sans le trouver. Holger Danske, le plus terrible des guerriers scandinaves, est le génie tutélaire du Danemark. Il était de la plus vieille noblesse dynastique. Selon une tradition généralement accréditée, il était fils de Gotric, un roi danois contemporain de Charlemagne. Selon une autre tradition, il est même antérieur à Odin, qui, comme Dieu, est aussi ancien que la lumière, mais qui, en sa qualité de conquérant asiatique, ne date que d'un demi-siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit de la généalogie d'Holger Danske, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il était prince de Zélande, cette île séparée de la Scanie par le Sund, cette terre qu'il nomma lui-même Sundlandia, terre des semences, et qu'il aima toujours, et qu'il aime encore de toute la tendresse dont l'enfant aime son berceau. Il voyagea néanmoins dans les pays étrangers, dans les royaumes lointains, Holger Danske à la longue épée. Après une défaite des Danois, où il combattit en Lyon et où il blessa Roland, neveu de Charlemagne, l'empereur le demanda comme otage et le garda prisonnier dans une tour sur le Rhin. Il s'y ennuyait beaucoup, le triste captif, car il n'avait aucun goût pour l'Allemagne ni pour le fleuve allemand. Il ne songeait qu'aux flots du Sund, aux moissons d'or et aux forêts de hêtres de son île, de sa Zélande. Ce fut Roland qui le délivra au nom de son oncle Charlemagne. L'empereur mettait une condition à la liberté d'Holger Danske, c'est qu'il irait à Rome secourir le pape assiégé par les Sarrasins dans la capitale du monde chrétien. Holger Danske fut très heureux de cette condition. Il détestait les infidèles autant que les Allemands. Il tailla en pièces tous ses mécréants et pas un ne s'en retourna à Stamboul. Embrassé par Roland, loué par Charlemagne et béni par le pape, Holger Danske entreprit des voyages et des traversées sans nombre. Il fit dans l'Orient, dans la Germanie, en Espagne, en Italie, en Angleterre et en France, des exploits à remplir 20 poèmes épiques. Il ne peut mourir, car il a mangé à Golconde un fruit de vie à l'arbre de l'éternité. Il a été aimé de plusieurs princesses. Il a été retenu 15 ans par une fée dans une île enchantée de l'océan. Mais le bon Holger Danske n'adore, lui, que sa patrie danoise. Il ne veut épouser qu'elle. Il eut une distraction pourtant à Paris. Il allait fléchir la passion d'une reine de France pour lui et se marier dans la cathédrale de Notre-Dame lorsque la fée jalouse l'enleva au moment de la cérémonie nuptiale et le transporta dans le château de Kronborg. C'est là que dort content Holger Danske. Il sait en rêvant qu'il est dans son caveau de Zélande. Il ne désire rien de plus. Le Danemark est désormais son unique sollicitude. Quand le Danemark est en péril, Holger sort de son sommeil. Il y retombe quand le danger est passé. Le caveau du fils de Gotric est vaste, car le solitaire est de grande taille, de plus grande taille que Sigurd et les Nibelung. Il est assis sur un roc, le corps penché, le coude appuyé sur une table de pierre, la tête sur son poignet droit. Sa barbe blonde, sur laquelle les siècles glissent comme des minutes, sans la blanchir, sa barbe aussi blonde que ses cheveux, entoure 1000 fois la table de ses replis, perce la terre, semblable à un réseau de racines, et pénètre jusqu'au Sund. Quelquefois, cette barbe, soulevée par les vagues, flotte dans l'azur de la mer, et les navigateurs étrangers disent « Voilà de belles algues !» Mais les matelots danois répondent « Non, non, ce ne sont pas des algues, c'est la barbe d'Holger Danske !» Qu'arriverait-il si la patrie appelait le vieux paladin? Comment se dégagerait-il de sa barbe? C'est lui-même qui la couperait avec son épée tranchante, suspendue à la voûte de sa grotte. Voilà les plus récentes nouvelles d'Holger Danske. Quoiqu'il soit excellent et dévoué, il inspire une sourde terreur. D'un mouvement involontaire, au milieu de ses songes, il tuerait un visiteur trop confiant. Aussi use-t-on de précautions avec lui. On envoie ordinairement dans le souterrain des condamnés à mort, puis on leur accorde leur grâce. Le dernier qui fut dépêché pour s'informer de Danske s'était muni d'un énorme marteau. Il s'approcha lentement du géant, qui, les yeux fermés, disait « Si le Danemark est faible, qu'on me réveille !» À ces paroles, l'homme secoua Danske, dont l'épée rendit un son et un éclair. Le géant se mit sur son séant et dit au malfaiteur « Si tu es un messager danois, donne-moi la main, et par ta force, je jugerai de la force du pays. » L'homme lui tendit le marteau. Holger Danske le saisit, le serra et dit « Cette main est celle du Danemark. Elle se défendra bien seule cette fois. Je puis donc me rendormir. » Et le géant, reprenant sa position inclinée, s'assoupit de nouveau. L'homme reparut au jour plus pâle qu'un spectre. Il retraça son entrevue, les cheveux tout hérissés d'effroi. Il montra son marteau. Les doigts du géant étaient imprimés dans le fer. Une étreinte lui avait suffi pour cela. Ce qu'il attend surtout, c'est que le Danemark ait une guerre avec l'Allemagne. Alors il se lèvera. Il sera invisible dans l'armée de la patrie danoise, et cette armée électrisée ne comptera que des héros. Elle sera invincible. Le château de Kronborg est solidement construit sur la pointe de terre danoise qui s'avance le plus dans la mer. Il est enfermé dans une triple enceinte de fossés remplis d'eau, derrière des grilles et des voûtes sinistres. J'ai compté 9 tours à Kronborg. Celle de l'horloge est ravissante. Toutes les portes de ces tours sont des cintres d'une variété exquise. La chapelle est d'une coquetterie élégante. N'est-ce pas plutôt une chapelle de cour qu'une chapelle de forteresse? C'est qu'en effet la forteresse est un château qui a reçu dernièrement 2 cours à la fois, celle de Suède et celle de Danemark. Kronborg était la résidence de 2 rois. J'ai remarqué au premier, où sont les appartements de la dynastie, un boudoir très bas et délicieux qui regarde Helsingborg. Les plus belles vues, à mon gré, sont celles de la tour du Fanal, à l'extérieur et dans l'intérieur, celle de la salle du conseil. Ces 2 horizons ne diffèrent presque pas. Ils s'ouvrent sur la Suède et sur les rochers de Kulen, sur le Sund et sur le Kattegat, tellement peuplés de vaisseaux qu'on dirait des villes flottantes. J'ai contemplé les vaisseaux du Sund et la mer. J'ai erré des heures et des heures autour de la ville de Hamlet. Je me suis un peu égaré dans la campagne. J'ai frappé à une maison de paysans. Un vieillard, son fils, de 30 ans à peu près, et sa fille, de 20 ans au plus, étaient à table. Ils avaient des tranches de porc entre des tranches de pain et un broc de bière. Sur l'invitation du vieillard, j'ai mangé et j'ai bu. Le jeune homme savait un peu de français. Il avait servi dans la dernière guerre du Danemark contre la Prusse. Il m'a conté certains détails intéressants. Après un combat, le général prussien avait voulu voir quelques dragons danois prisonniers, quelques-uns de ces démons, disait-il, qui faisaient de si atroces blessures. « En effet, ajoutait le Zélandais, j'étais dragon, et nous n'y allions pas de bras morts. Voyez-vous, monsieur, nous vivons bien chez nous. Et le blé de la terre natale nous donne des forces en même temps que le Dannebrog, le drapeau national, nous donne du cœur. » J'ai témoigné le désir de connaître toutes les pièces de la maison et leur ameublement. Nous nous sommes levés alors et, suivant l'usage du Danemark, nous avons prononcé, en nous serrant la main, « Ce velvekommen, bien vous advienne, qui est le refrain cordial de tous les repas, dans les chaumières comme dans les châteaux, dans cette cabane, avec un peu de lard et un peu de bière, comme à Glorup, après des dîners exquis. » La jeune fille, se prêtant à ma curiosité, m'a montré toute la demeure de son père. Poêle, four, armoire, coffre, commode, cuve à bière, pot de fleurs, table, rideau, alcôve, lit, bassinoire, pipe, fouet, bâton de voyage et rayon chargé de 4 livres, une bible, un almanach, une histoire du Danemark et un petit atlas local. Tout à coup, saisie d'un redoublement de complaisance, la jeune fille a ouvert un coffre. Elle en a tiré un fichu, puis une dentelle, puis une collerette. Je l'arrêtai en la remerciant et en l'assurant que c'était assez. Elle s'interrompit à regret. Elle aurait déplié devant moi tout son trousseau. Il y avait bien dans cet empressement un peu de coquetterie, mais il y avait encore plus de bienveillance pour l'étranger. Ce qui me charma dans cette politesse rustique, c'est que la jeune fille était belle comme une moissonneuse des sagas. Je demandai la route d'Elsener. Le vieillard, afin de supprimer les difficultés du dialogue entre nous, étala son atlas enfumé du Danemark et me désigna du doigt mon chemin. La jeune fille me dit adieu, mot qui est devenu danois par l'usage, et le jeune homme, le dragon zélandais, m'accompagna quelques minutes. Il me parla de M. Hansen, dont il avait entendu 2 discours. L'un sur les droits des paysans, l'autre sur le scandinavisme. « C'est un monsieur qui fait plaisir à entendre, me dit-il. » J'ai pris congé du brave soldat, sur les renseignements duquel j'ai trouvé le sentier d'Elsener. Au nord de la Zélande, comme au midi, j'ai remarqué partout des champs sans buissons. Ces champs, qui n'ont pas de frontières apparentes, en ont de réelles. Une pierre, un fossé, moins que cela, un sillon, voilà les limites traditionnelles du sol. Les haies, dont Amphioni, villageois, seigneur et citadin, entourent et séparent leurs domaines, me plaisent bien mieux dans le paysage. Elsener est plus qu'une capitale de la politique, elle est une capitale de la poésie. Son roi, c'est Hamlet, un roi idéal qui ne sera jamais détrôné. Shakespeare lui a fait une couronne d'étoiles. Cette ville a pour Bosphore le Sund. La forteresse d'Elsener est le château de Kronborg. Le monde entier, par les bâtiments de tous les peuples, par les vaisseaux de tous les pavillons, lui a payé tribut. Et j'ai pénétré dans Elsener. Je me suis promené sur la rade, d'où cette cité de la navigation et des légendes m'est apparue déjà. Aujourd'hui, sous le soleil, elle éclatait au regard avec ses édifices de tuiles, son hôtel de ville, sa cathédrale, ses tours carrées, ses restes d'abbaye et ses 5 moulins à vent. Les clochers sont couverts de cuivre d'un vert noir superbe. Les maisons, où logent 8000 habitants, sont les unes rouges, les autres olivâtres, les autres roses, les autres brunes. Elles ont une grande variété d'aspects. L'architecture de plusieurs de ces maisons est bizarre, et l'on comprend que les siècles ont passé dessus. Des pots de fleurs et des cages de canaries ornent les balcons et les fenêtres, comme à Odensee, une vieille ville aussi. Nous nous sommes arrachés à ce spectacle, et nous avons pris la route de Göre, de Fredensborg et de Frederiksborg.